Les petites histoires de Tell Me. Le fantôme d'un soir. On ne l'appelait jamais Artus, on l'appelait Minus depuis sa naissance. La première fois, son père et sa mère s'étaient un peu vexés, mais comme Artus était d'apparence fragile et que c'était dit sans méchanceté aucune, ils avaient trouvé cela mignon. Sauf qu'un nom, ça colle à la peau. Alors Minus resta un Minus, petit, maigrelet, la peau pâle comme le lait. Et pour ne pas trop souffrir, il décida de se faire tout petit, pour que son professeur, les autres élèves et les grands l'oublient. Le seul moment où Minus soufflait, c'était pendant les vacances d'été, chez ses grands-parents. Ils habitaient dans un minuscule village, coincé en haut d'une montagne. C'était le seul enfant, et là-bas, tout le monde l'appelait jeune homme, fiston, ou même par son vrai prénom. Minus passait tout son temps dehors. Ici, c'était le plus grand explorateur de tous les temps. Chaque été, il découvrait de nouveaux endroits, de nouvelles régions qu'il dessinait minutieusement sur une carte et sur laquelle il marquait tous les points d'intérêt. Un jour, il traversa un pré jusqu'à un lieu qu'il ne connaissait pas. Un point de départ idéal pour découvrir des terres inexplorées. Il marcha à travers de hautes herbes jusqu'à croiser une rivière qui coulait sous un petit pont de bois. Un nouveau point d'intérêt fut épinglé sur sa carte. En contemplant l'eau vive et claire, Minus se rappela d'un conseil que lui avait donné l'un des vieux du village. « N'importe quelle rivière t'amènera vers l'autre bout du monde. » Son envie de grands espaces le poussa à la suivre. Il vit des castors affairés sur un barrage, une libellule solitaire, parfois des petits nuages de moucherons et des rapaces qui fendaient l'air. Un sentier se présenta, il s'éloignait de la rivière. Poussé par l'envie de savoir où il menait, Minus le suivit. Il marcha un certain temps jusqu'à ce qu'au bout du chemin, il tombe sur une vieille cheminée en pierre. Ses sens d'explorateur lui permirent de découvrir les traces d'une petite maison. Il fit une pause sous un vieux hêtre pour noter soigneusement cette trouvaille sur sa carte. Puis il s'allongea sur le dos et les yeux fixés sur les branches animées par une brise de fin de journée, il laissa ses pensées dériver. « Je suis vraiment bien, je suis pas un Minus ici. » Il imaginait son retour à la maison, sûr de lui, demandant à ses parents d'arrêter de l'appeler Minus. À cette année où il grandirait, brillerait devant les autres, où il deviendrait le plus grand explorateur du monde. Quelques heures plus tard, il s'éveilla dans la pénombre. La lune était pleine et éclatante. Minus se leva paniqué. « Ça va ?» Minus regarda autour de lui. Il n'y avait que des arbres et la cheminée. « Où êtes-vous ?» Quelque chose qu'il avait pris pour une ombre se détacha du paysage. Il découvrit près des ruines un garçon de son âge si pâle qu'il semblait transparent. « Tu es super courageux d'être venu jusqu'ici !» Minus sentit ses oreilles chauffer et ses joues rougir. « Merci. La maison avec la cheminée, ça fait longtemps qu'elle est comme ça ?»« Oui, vous diriez que ça fait une éternité. Comment tu t'appelles ?»« Artus, mais tout le monde m'appelle Minus. Et toi ?»« Je ne sais plus. Je n'arrive plus à le lire. » Ils s'éloignèrent de la ruine. Bientôt, ils franchirent un petit muret et se retrouvèrent dans un sous-bois parsemé de pierres. Il y en avait des dizaines. La plupart recouvertes de mousse, certaines étaient brisées, d'autres soulevées par des racines. « Qui est enterré là ?»« Des gens bien, qui aimaient notre village. Quand la ville de la vallée s'est développée, les gens d'ici sont partis, petit à petit. Et puis, le temps nous a emportés. Le seul souvenir qui reste, c'est la cheminée que tu as vue et nos pierres. »« C'est laquelle la tienne ?» Le garçon amena Minus dans un coin envahi par les ronces. Elle recouvrait une pierre. « Je comprends pourquoi tu peux plus lire ton prénom !» Sans hésiter, Minus s'aventura dans les ronces. Il grimaça à chaque griffure, mais serra les dents jusqu'à ce qu'il arrive à la dégager. Sur la pierre posée à plat, ils virent une date, 1492, et dessous, une inscription à moitié effacée, H-E-N. H-E-N, ça ressemble au début d'un prénom. Henri, tu t'appelais comme ça? Je ne sais plus, mais j'aime bien. Et puis, c'est mieux que rien. Ils quittèrent le cimetière et poursuivirent leur exploration pendant des heures, sous la lueur éclatante de la lune. Henri montra à Artus plein d'endroits étonnants qu'il s'empressait de marquer sur sa carte, notamment l'entrée d'une vieille mine abandonnée au pied d'un petit pic rocheux devant laquelle ils s'arrêtèrent. « Comment t'es... mort ? C'est flou, comme un rêve. Tout était blanc et froid. J'attendais maman, enfin je crois. » Et ça fait quoi d'être un fantôme ? Pas grand-chose. Je m'ennuie beaucoup. Mais il n'y a pas des tas de gens avec toi là-bas ? Ils dorment tous. Parfois, il y en a qui se réveillent, mais ils ne s'éloignent jamais de leur tombe. Personne ne veut explorer le monde avec moi. Je suis là ! Tu as déjà fait de l'escalade? Non, jamais. Pourquoi? Artus leva la tête vers le sommet du pic rocheux. T'es pas sérieux? T'as pas peur de tomber? À quoi ça sert? Je suis sûr qu'il est facile à escalader. Artus ne s'était pas trompé. Leur ascension fut étonnamment facile. Le relief offrait d'innombrables prises pour les mains, si bien que les deux compagnons arrivèrent sur leur toit du monde. Tels des pionniers, ils découvraient un horizon infini. La vallée baignait dans une brume rose orangée. La nuit s'achevait, un oiseau chanta. Il faut que j'aille me coucher. La descente était impressionnante, mais tout aussi facile. À chaque fois, leurs pieds trouvaient un appui, si bien qu'ils arrivèrent en bas sans incident. Sans un mot, ils pressèrent le pas pour rejoindre le sous-bois jonché de pierres. À mesure que le ciel s'éclaircissait, Artus avait du mal à voir Henri. On s'est bien amusé, non? Carrément! En plus, j'ai retrouvé mon nom. Plusieurs oiseaux se mirent à chanter, le monde se remplit de couleurs. Henri leva les yeux au ciel et serra dans ses bras son ami. Tu ne m'oublieras pas, hein? Jamais! Soudain, Henri n'était plus là. Artus s'assit et s'empressa de mentionner le petit cimetière sur sa carte avec une annotation. Henri, pour toujours avec moi. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine!